Micro ouvert. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Un peu d'amour papier velours et d'esthétique papier musique, c'est du chagrin papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré, celui qui touche papier tu mouches et moitié fou. C'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie, où l'on en meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. On se retrouve au MRAX, hein. MRAX, c'est mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Voilà. Et il y a autour de moi, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes. Il y en a une qui manque, qui va arriver, c'est ça? Et alors, c'est Milena qui fait le lien, qui contacte un peu le micro pour parler de ce collectif dont vous faites partie. On va tout bien expliquer, hein, mais je fais une petite intro comme ça qui s'appelle « Amoureux vos papiers ». C'est ça l'idée. Peut-être on donne vos prénoms, comme ça, ça rend un peu les choses. Si vous voulez pas, vous le dites pas. D'accord ? Donc, moi, c'est Nisha. Brigitte. Francesca. Milena. Mahamadou. Qui explique alors ? Donc, vous êtes tous ici, vous faites partie d'un collectif, ça, on dit comme ça, un collectif ? D'un réseau. Voilà. Il y a d'autres gens dans ce réseau ou bien il n'y a que vous ici, là, maintenant ? Il y a d'autres personnes qui font partie du réseau aujourd'hui, c'est juste quelques personnes qui sont venues te rencontrer pour parler, expliquer c'est quoi Amoureux vos papiers et ce qu'Amoureux vos papiers fait. D'accord. Et ben voilà, on démarre. Qui explique Allez-y. Bien, alors le réseau Amoureux vos papiers est un réseau qui a été constitué à la suite en fait d'une demande. Parce que nous, la plupart des personnes qui sont ici font partie d'un autre collectif qui s'appelle CRER, Getting the Voice Out. De l'anglais, traduction. Oui, alors en fait, ça veut dire collectif contre les rafles, contre les expulsions et pour la régularisation. Getting the Voice Out étant notre porte-parole à travers un site qui reprend des témoignages de personnes qui n'ont pas les bons papiers, hein, et qui sont détenues pour raisons administratives dans des centres en Belgique, des centres de détention qu'on appelle centres fermés. Et nous avons rencontré à l'époque des femmes qui venaient rendre visite à leurs compagnons. Enfermées du coup alors ? Qui avaient été enfermées. Et ces femmes s'étaient aperçues que leurs compagnons avaient été tous enfermés, arrêtés en même temps, la même nuit. Donc c'était vraiment une rafle systématique qui avait été organisée parce qu'ils avaient fait une demande de mariage ou de cohabitation avec leur compagne qui, elle, était légalement, avait des documents pour pouvoir séjourner en Belgique ou était belge. Et donc, on a été vraiment interpellés et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et donc, depuis lors, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans qu'on existe, nous avons énormément, nous sommes aperçus qu'il y a vraiment énormément de personnes qui se retrouvent dans cette situation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut bien la nommer, cette situation ? Ben, c'est la chasse, qu'on appelle la chasse au mariage blanc, au mariage gris, et puis aussi la chasse aux personnes qui font des reconnaissances de paternité. Alors, on va peut-être définir qu'est-ce que le mariage blanc, gris et la suite ? Alors, le mariage blanc, c'est quand deux personnes décident de se marier uniquement pour avoir des papiers, alors qu'elles n'ont pas une relation amoureuse, disons. Voilà. Mais on est d'accord que dans ce cas de figure-là, attends, j'approche un peu ma chaise parce que t'es un petit peu loin, du coup. On est d'accord que dans ce cas de figure-là, pour bien comprendre les choses, quand un mariage blanc, c'est quelqu'un qui a la on est en Belgique, on va parler, quelqu'un qui a les papiers belges et qui rencontre une personne sans papier et qui décide ensemble, ben voilà, on va se marier ensemble, comme ça t'auras des papiers, c'est ça, hein? Voilà. Et donc, en fait, le mariage blanc, ces deux personnes qui se rencontrent décident que celle qui n'a pas de papier va payer, d'accord ? Elle va payer l'autre personne pour pouvoir obtenir les papiers et faire le mariage. C'est pour ça qu'on parle de mariage blanc. Les deux sont conscients que il ne s'agit pas d'un vrai mariage, mais un mariage plutôt de convenance pour que l'autre ait les papiers. Et de l'autre côté, la personne qui a les papiers, elle, va recevoir de l'argent. Mais comment ça se fait qu'elle reçoit de l'argent ? Parce que y a des personnes qui ne font pas ça par pure bonté d'âme ou L'argent c'est un second plan, quoi, voilà. Je veux dire, c'est un deal avec l'autre, quoi. Exactement. Argent ou pas argent. Moi je te donne de l'argent et tu as des papiers. Bon, je pense que c'est très bien que la juriste réponde parce qu'elle donne plus précisément effectivement les définitions. On peut réagir tous, hein, en même temps. Donc, effectivement, ça veut dire que le mariage blanc, c'est qu'il y a une relation pécuniaire, hein, entre les deux, uniquement pour la démarche d'obtenir des papiers à travers le mariage ou la cohabitation légale. Pécuniaire ou pas, quoi, dans le fond, mais en tout cas, c'est un deal pour avoir des papiers. Les deux sont d'accord, quoi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affectif, il n'y a pas de sexualité, etc. D'accord ? Mais bon. Il pourrait avoir une relation qui n'est pas vraiment qui ne soit pas vraiment une relation amoureuse. Il pourrait avoir une relation, mais le fondement même du mariage blanc, c'est qu'il y a cette relation pécuniaire. C'est que je paye et toi, tu as les papiers. Ok. Donc, il y en a un qui a vraiment un... Enfin, il y a des intérêts, c'est vraiment pour de l'intérêt, voilà. Disons. Hein. Le mariage gris, c'est quand il y a une personne qui fait semblant d'être amoureux pour obtenir le mariage et ainsi obtenir les documents. Comment on voit qu'il fait semblant ? C'est une drôle. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui arnaque l'autre, oui. Affectivement alors. Exactement. Mais bon, ça existe. En dehors des mariages mixtes, il y a des gens qui abusent d'autres personnes. Bon, c'est pas des cas très frais, très fréquents, mais ça existe. Et puis, le troisième aspect que nous commençons à développer assez récemment, c'est le problème de la reconnaissance de paternité, où on accuse beaucoup de gens d'avoir des bébés papier, c'est-à-dire de faire des bébés de manière à avoir des documents et des droits de séjour. Est-ce que c'est clair ? Précise un peu parce que... Alors, il faut savoir que, par exemple, c'est un exemple, si une personne qui n'a pas de titre de séjour ici en Belgique a un enfant dont l'auteur, donc le père... Quand tu dis titre de séjour, pas de papier. Pas de papier. Oui, si on garde les mêmes mots, parce que sinon on dit, ah, c'est quoi titre de séjour, c'est pas la même chose. Quand une personne n'a pas de papier, le plus souvent... On dit, soi-disant, que ce sont des femmes sans papier qui cherchent à avoir un enfant d'une personne belge. D'accord. Via l'enfant, la maman ou parfois le papa peut espérer avoir des papiers. Et donc, ce que, soi-disant, la législation essaye de faire, c'est d'empêcher des personnes de reconnaître des enfants qui, biologiquement, sont leurs enfants. Ah bon ? Oui. Ok. Compliqué. Je crois tout de même que ce serait intéressant de revenir sur la notion de sans papier. Parce qu'en fait, les personnes, en général, la plupart, ont des papiers, ils ont des documents, ils ont des passeports, ils ont des cartes d'identité, ils ont des permis de conduire, bon, etc. C'est vrai, il faut le dire, ça, c'est vrai, en fait. Qui ne sont pas les papiers qui sont acceptés pour un droit de séjour. Hein? Donc, je crois que c'est ça. Enfin, je trouve que l'expression sans papier a besoin d'être, d'être revue, effectivement. Mais disons que, effectivement, dans la dénomination commune aujourd'hui, on parle des personnes qui ont des papiers et celles qui n'en ont pas. Et simplement, une a un droit de séjour et l'autre pas. Donc, c'est une question administrative. Et donc, alors, maintenant qu'on a un petit peu défini les choses pour qu'on se comprenne mieux aussi, parce que c'est important, hein, vous baignez dedans, mais bon, les gens, des fois, on a des notions vagues, un peu floues. Et voilà, qu'est-ce qui se passe alors ? Vous avez un peu expliqué, j'ai l'impression, j'ai le sentiment aussi que ça se resserre, tout ça, toutes ces notions-là. J'ai entendu qu'il y avait des inspections comme ça, mais quoi, c'est vrai, c'est pas du fantasme. J'ai envie de me dire, mais attends, l'État, il a autre chose à faire. Je pense à la fiscalité, l'évasion fiscale. Il faut aller, tu vois, il y a les inspecteurs qu'on dit qu'il y en a de moins en moins. Mais là, pour ce sujet-ci, il y aurait genre une énergie, une bonne énergie, quoi. Je me trompe ou comment vous voyez tout ça? Je veux dire, cette chasse au mariage blanc, etc., occupe énormément d'espace juridique, enfin dans la justice belge, énormément de dossiers, uniquement pour soupçons. Mais quoi, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. C'est, vous voyez, essayez de dessiner un peu. Mais tiens, donc. Quoi, il y a beaucoup. En Belgique, ça prend une grande place. Il y a combien de personnes comme ça qu'on. Vous voyez, on peut dessiner ça. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Hein, mais... Ça prend beaucoup de place pour rien. Parce que quand on regarde réellement combien de personnes se marient pour des faux prétextes, entre guillemets, ou pourquoi est-ce qu'une commune va ne pas célébrer un mariage, on se rend compte que c'est rien du tout. Mais pourtant, avec. Rien du tout, le législateur, ceux qui font les lois, ben, ont déployé tout un arsenal juridique et tout des outils pour empêcher de voir s'exercer un droit fondamental qui est le droit au mariage. Toute personne a le droit de se marier, que cette personne ait une autorisation de séjour en Belgique ou pas, toute personne a le droit de se marier. Mais on se rend compte que sous couvert d'une lutte qu'ils estiment légitime de protéger les personnes trop faibles qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes face à une autre personne qui vient d'ailleurs et qui essaye de l'utiliser, on va déployer la police, on va déployer le parquet, on va parfois... Ben, on se rend compte, quand on prend par exemple une commune comme Schaerbeek, il y a une cellule mariage gris, mariage blanc à Schaerbeek, avec des policiers qui ne sont là que pour détecter des mariages gris, des mariages blancs, des cohabitations blanches ou des cohabitations grises ou des fausses. Donc on se rend compte que pour criminaliser une personne qui n'a pas d'autorisation de séjour sur notre territoire, le gouvernement a les moyens. Mais pour lutter contre l'évasion fiscale, oui, on a plus les moyens. C'est un exemple, donc, tu vois, voilà. C'est un exemple. Oui, oui, oui. On se rend bien compte que y a de l'absurdité quelque part par rapport au déploiement des moyens pour juste donner cette impression qu'une personne qui n'a pas d'autorisation de séjour est un criminel et que parce qu'on le considère comme étant un criminel, on a le droit de tout faire, quitte à bafouer ses droits les plus fondamentaux. Oui, ce que j'ai voulu ajouter là-dessus, c'est que c'est le déploiement vraiment d'énergie. Tout l'appareil judiciaire est mobilisé pour traquer vraiment tous ceux qui essaient de faire une cohabitation légale ou bien d'un mariage. Et ça, je trouve vraiment dommage parce qu'il y a des combats beaucoup plus importants à mener. Donc, il ne faut pas déployer l'appareil, tout l'arsenal judiciaire pour des futilités, quoi. Parce que pour une histoire de mariage gris, mariage bleu, je ne sais quelle couleur encore on va chercher à adopter. Parce que ça, ils sont très doués pour ça. Les politiciens, on les connaît très bien. Et j'estime qu'il ne faut pas aller... Il ne faut pas se donner dans la chasse aux sorcières, quoi. Il faut rester serein. Et tout ce qu'ils font, là, c'est essayer d'empêcher que les gens puissent séjourner ici. Tout le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est de dire que vous n'avez pas les bons papiers, donc retournez chez vous. Mais nous, nous sommes là et on compte bien s'y installer. On compte bien s'y installer. Et faites de la place parce que nos cousins, nos frères, nos neveux sont en route. Voilà. Donc, vous avez intérêt à bien aménager, à faire de la place, quoi. Voilà ce que je voulais ajouter là-dessus. Je voulais juste ajouter que sur ces faux problèmes du mariage gris et mariage blanc, malheureusement, c'est aussi très, très fort médiatisé. C'est pas tout, Brigitte, tu veux raconter le... C'est très, très fort médiatisé. Médiatisé, quand en fait, c'est un problème qui concerne vraiment un petit pourcentage de voilà, négligeable. C'est pas si, Brigitte, tu veux raconter l'histoire RTBF ou aussi de cette association Brise-cœur, oui, qui en fait n'existe vraiment pas. Tu connais l'histoire mieux que moi, peut-être. Oui, alors en fait, il y a un peu plus d'un an, nous avons été approchés pour un programme de la RTB sur les mariages blancs. Et donc, un membre du collectif a rencontré la journaliste et qui lui a même d'ailleurs demandé si elle pouvait obtenir des témoignages de certaines personnes, en disant bien qu'il faudrait très attention pour présenter les choses de manière équitable, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas seulement les gens qui essayent absolument qui essayent de frauder, hein, mais qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui ne fraudent pas du tout, et c'est même d'ailleurs une majorité. Et en fait, cette journaliste n'a absolument pas présenté le thème de manière équitable, et en est même arrivée à présenter, ne pas du tout présenter le réseau Amoureux Vos Papiers et à présenter uniquement une association qui n'existe pas véritablement. Enfin, on n'a jamais trouvé où se trouve cette association, qui est une association dédiée aux victimes de mariages blancs et mariages gris. Et la journaliste a réussi à non seulement trouver, bien sûr, beaucoup de témoignages de mariage blanc ou gris dans lequel il y avait des violences, enfin vraiment, hein, et à faire parler même ceux qui n'étaient pas du tout dans le cadre d'un mariage blanc, alors à les faire parler de mariage blanc, disant oui, ça existe, etc. Et donc plane à travers ce reportage. Il y a aussi la même chose avec les avocats. Donc il y a une avocate qui est d'ailleurs qui était furieuse de ce reportage et la manière dont son témoignage en tant qu'avocate a été traité, pour donner une très longue place à un avocat tout à fait douteux, hein, qui recommande les annulations de mariage, enfin bref. Hein. Donc on voit à quel point donc même un média sur le service public, quoi, voilà, arrive à traiter ce sujet d'une manière tout à fait tronquée, puisque, encore une fois, les mariages blancs, les mariages gris et les reconnaissances de paternité bébé-papier sont des cas tout à fait minoritaires. Mais à ton avis, alors pourquoi, enfin à votre avis, hein, mais pourquoi alors la RTBF fantasme comme ça, pourquoi elle prend cette position-là? C'est bien aussi de le dire, ça. Pourquoi, selon vous, ça se passe comme ça? Mais il faut savoir que lorsqu'Amoureux vos papiers a été lancé, la première campagne d'Amoureux vos papiers, c'était de dire « Mon mariage n'est pas une affaire d'État ». Parce que, justement, le réseau s'est rendu compte, et de nombreuses personnes également se rendent compte que, parce qu'aujourd'hui, la politique migratoire belge est celle qu'elle est et qu'il n'y a plus de façon, de moyens légaux pour pouvoir venir en Belgique ou pour pouvoir obtenir un titre de séjour, que via le mariage ou via la cohabitation légale ou via la reconnaissance d'un enfant, la personne a le droit, parce qu'on a le droit de vivre en famille, a le droit de réclamer, de pouvoir vivre avec son ou sa compagne et avec ses enfants via le regroupement familial. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est de bloquer tout. Et comment on fait pour bloquer tout? En criminalisant tout ce qui peut permettre à une personne de régulariser sa situation. Via le mariage, une personne peut avoir le regroupement familial. Via la cohabitation légale, une personne peut demander le regroupement familial. Via la reconnaissance d'un enfant, on peut demander le regroupement familial. Et donc, vu que ces droits fondamentaux permettent d'obtenir un autre droit fondamental qui est celui de vivre en famille, ben, on va essayer de durcir les moyens, le seul outil permettant à ces personnes de pouvoir régulariser leur situation et vivre en Belgique. Même lorsque ces personnes ne pensent même pas au titre de séjour, même juste parce qu'elles veulent vraiment se marier ou parce qu'elles veulent faire une cohabitation légale ou parce que c'est tout à fait normal de vouloir reconnaître son enfant, même à ce moment-là, ben, l'État déploie tout son appareil en disant, ben non, attention. Il y a soupçon d'office. Ils sont criminels, quoi. Exactement. On assiste vraiment à une criminalisation des personnes étrangères. Et tout à l'heure, on parlait des personnes sans papier. L'absurde va même jusqu'à faire en sorte que les communes, parfois, parce qu'elles voient deux personnes d'origine étrangère, elles pensent que ces personnes sont... Non, pas une au moins n'a pas de papier, ben, qu'est-ce que la commune va faire? Elle va dire, ben non, on va sursoir, on ne va pas célébrer votre mariage ou refuser de célébrer. Et après, on se rend compte, ah ben non, ben, ces personnes sont belges. Mais parce qu'elles sont noires ou parce qu'elles sont... Enfin, c'est énorme ce que tu dis. C'est arrivé. C'est arrivé. Vous pouvez trouver des témoignages dans la presse, l'absurdité dans ces questions liées au mariage, à la célébration de mariage de personnes d'origine étrangère. On trouve toute l'absurdité, toute le déploiement de politiques, de règles discriminatoires, on le trouve au quotidien. Mais donc, du coup, parce que je posais la question, vous voyez, on essaye de garder bien le lien. Je posais la question des médias, du média là, à la RTBF. Pourquoi, selon vous, mais ça répond aussi à ce que tu viens de dire, pourquoi ce média de service public, en fait, raconte les choses de cette manière-là? Est-ce que le sujet n'est pas vendeur d'entendre la voix de ceux qui vivent au quotidien l'appareil d'État? Comment on peut, l'appareil d'État peut s'acharner? C'est bien d'entendre dire oui. Brigitte qui parlait de ce reportage de la RTB, ils sont allés chercher une femme qui a été victime de violences conjugales. Ces violences conjugales ne sont pas nécessairement dues peut-être au fait que cette personne cherchait les papiers. Tout simplement que cette personne, ben, elle était violente tout court. Qu'elle ait les papiers ou pas, ben, elle aurait pu tomber sur une personne qui était violente. Mais on a réussi à faire le lien entre personnes sans titre de séjour, sans papier, violence et mariage blanc. Comme si toutes les personnes sans papier étaient violentes. On participait encore une fois à la criminalisation de ces personnes. Attention, sans papier, donc c'est violence. Donc ça, à ce moment-là, je me suis dit... mais sur un service public, c'est quand même dingue, donc c'est... Tout est connecté, en fait. Voilà. Hein. Où on ne peut même plus avoir une information objective, une information qui donne les faits. Ils ont interviewé l'échevine, je pense, l'officier de l'état civil de la ville de Liège, qui disait, oui, mais dans tous les cas, dès qu'on a une personne sans papier, on va suspendre la célébration du mariage. Dans tous les cas. Systématiquement. Alors qu'on ne peut pas. C'est dans l'illégalité totale. Elle viole la loi parce que c'est au cas par cas. Donc on va suspecter tout le monde de mariage blanc, de mariage gris, de cohabitation blanche ou de cohabitation grise. Mais est-ce qu'on se demande des conséquences sur ces couples, de ce parcours du combattant? Et c'est là que le réseau Amoureux Vos Papiers intervient, et pour dire, mais nous, on est là pour vous soutenir, nous, on est là pour vous donner des conseils, on est là aussi pour vous soutenir. Parce que souvent, ce sont des couples qui ne peuvent pas se payer déjà un avocat, parce qu'ils ne vont pas nécessairement trouver un avocat qui va être prêt à attaquer une décision de la commune sur un mariage blanc ou un mariage gris. Et même quand on a une juridiction qui dit non, vous devez respecter et marier ces personnes, on a même des communes qui font de la résistance, parce que l'officier de l'état civil est convaincu d'avoir raison et que c'est un mariage gris ou un mariage blanc. Mais je donne toujours l'exemple absurde d'Anna Nicholson qui avait épousé le vieux aux États-Unis, mais parce qu'elle a les papiers, on l'a laissé faire. On l'aurait laissé faire ici aussi en Belgique parce qu'elle a les papiers. Or, on aurait pu empêcher ce mariage. Mais aujourd'hui, on prend, ben, par exemple, ben, oui, mais vous savez, votre religion ne vous permet pas de vous marier. Donc, on trouve de tout est bon pour empêcher ces personnes de pouvoir se marier. Oui, mais... Et ça, c'est quelque chose que souvent les policiers disent, mais vous n'avez pas pu trouver un bon Belge pour vous. Et on se rend compte... bon Belge pour vous? Pour vous, j'ai le droit de le dire à la radio. Pourquoi? J'ai le droit de dire la phrase crûment. Pour comprendre. Il y a un enfant, donc. Est-ce que vous n'avez pas pu trouver un bon Belge pour vous baiser? Ils se permettent ce genre d'intrusion dans la vie privée des gens, de tenir des propos dégradants, humiliants, et ils se rendent pas compte. L'État ne se rend pas compte des conséquences sur ces couples. Moi, je crois pas. Enfin, moi, je prends position un peu. Je crois pas que l'État ne se rend pas compte. Je crois qu'il y a une politique. Soyons conscients de ça quand même, quoi. Parce que sinon, on parle un peu. Je veux dire, l'État est bien conscient de tout ce qui se passe. Mais maintenant, je pensais, pour résumer, pour voir si je comprends bien, et donc l'auditeur aussi, hein, les gens qui nous écoutent. Mais le mariage, c'est quand même une affaire privée. Je veux dire que tu te maries par amour ou pour pas, ça ne regarde absolument personne, non? Vous savez, quand on n'a pas les papiers et on veut se marier, c'est pas privé du tout. Ça devient une affaire de tout le monde, affaire d'avocat, affaire de commune, affaire d'association, chercher de l'aide. Ce n'est absolument pas du privé quand on n'a pas un des deux mariés n'ont pas les papiers. Mais ça veut dire ça ne devient plus privé. Pourquoi? Parce que les gens vous mettent des bâtons dans les roues, en fait. C'est ça qui se passe. C'est pas seulement les gens, c'est surtout l'État qui nous met les bâtons dans les roues. Oui, je voulais dire ça, en fait. Oui, voilà. Les gens qui travaillent pour l'État. Moi, j'ai eu l'expérience. Moi, je suis de nationalité belge et j'ai mon mari qui n'avait pas les papiers à l'époque. On a vécu un calvaire qu'on en souvient toujours. Hein. On est encore marqué par tout ce qui s'est passé. Vous pouvez un peu raconter, parce qu'on a le temps, hein. Mais dans les grosses... Au point que l'officier d'état civil a osé nous demander des questions qui sont plus que privées. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Comment vous avez fait hier soir? Des questions qui sont insensées. Et c'est pour ça que je vous ai dit que... Quand on se marie avec une personne qui n'a pas les papiers, ça devient une affaire publique, pas privée du tout. Et dans votre cas, c'est une histoire d'amour? Bien évidemment, c'est une histoire d'amour. C'est important de le dire parce qu'on ne l'a pas encore une fois dit, ça. Il y a un enfant d'ailleurs qui est... Oui, tout à fait. C'est une grande histoire d'amour. J'ai rencontré mon mari bien avant, qu'on a décidé bien sûr le mariage. Et puis le jour où on a voulu se marier, on pensait absolument pas qu'on allait trouver autant d'obstacles. Et je suis la personne qui a débuté avec Amoureux de vos papiers. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Dominique, dont je salue énormément. Madame Dominique, elle était parmi ces... Enfin, de la crème. Elle vit à l'étranger maintenant, donc elle faisait partie du collectif. Oui. Et je l'ai contactée, et puis elle était d'un grand aide pour moi, pour mon mari, pour notre famille. Et alors, on partait souvent au centre où mon mari était incarcéré, parce qu'ils sont venus à 4 heures du matin pour le prendre, tout simplement. Parce qu'on a fait la demande, justement, de mariage. Ils ont débarqué. Moi, je trouve ça énorme. Hein. Moi, je serais révoltée. Moi, je suis maman de 3 enfants. C'est le 4e. Tu t'appelles comment, toi? Voilà. Comment il a dit? Hamza. Hamza, d'accord. On laisse continuer à parler ta maman. Après, si tu veux, tu diras encore quelque chose. Et alors, on a fait la demande de mariage. Quelques jours plus tard, à 4h du matin, ils viennent pour prendre mon mari. Ils l'ont pris. Ils l'ont à Sterokonzel, c'est ça que ça 127 bis. Il est dû rester malheureusement là-bas plus de 2 mois. C'était un calvaire. Je partais chaque jour pour lui le soutenir, pour beaucoup de choses. Et j'ai dû prendre un avocat et ça m'a coûté énormément d'argent. Pour vous dire, ça m'a énormément coûté d'argent pour pouvoir le sortir de là. Mais grâce justement à Amoureux Vos Papiers, c'est pour ça que je tenais vraiment à venir aujourd'hui et donner mon témoignage. C'est grâce à eux que j'ai pu aider mon mari et pouvoir se marier. Oui, en fait, il faisait tout pour que vous vous empêchiez de vous marier comme ça. Comment il s'appelle ton mari? Youssef. Youssef, ben voilà, il n'avait pas de papier, quoi. Dingue, quoi. Oui, il faisait tout et n'importe quoi pour nous empêcher justement de se marier. Mais quoi encore comme exemple pour qu'on comprenne? Quoi? Déjà, le fait de venir à 4h du matin pour le prendre comme un criminel, en sachant qu'il a son propre commerce depuis longtemps, malgré qu'il n'a pas les papiers. Hein. Il a un salon de coiffure à Kuckelberg. Depuis des années et des années, il payait ses cotisations, il payait ses taxes, il payait tout ce qu'il fallait. Et on ne lui a jamais rien dit. Mais le jour de son mariage, où il voulait vraiment se marier, annonçait un mariage blanc. Pourquoi un mariage blanc? Parce qu'il a eu le comment dirais-je, on lui a demandé, on lui a posé une question qui est si bête. Mon mari, c'est un coiffeur, il sort le matin, il revient le soir, c'est à lui, il doit être là. C'est pas lui qui fait la cuisine, c'est moi. On lui demande, on lui pose la question, où est-ce que votre femme a mis le persil? Persil ou le sel ou un truc comme ça, je me souviens pas. Qu'est-ce quelque chose de bête? Ben, il a pas su répondre. Voilà, ben non, c'est un mariage blanc. Mais c'est de l'ordre du privé, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi on en arrive jusqu'au point? Jusqu'au point de dire qu'est-ce que vous avez fait hier soir et comment. Donc je veux bien qu'on me pose des questions sur le sel et le poivre et pas sur quelque chose qui s'est passé entre moi et mon mari la nuit. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que quand on veut se marier avec une personne qui n'a pas les papiers, ça devient une affaire de tout le monde. Malheureusement. Il faut savoir que le parcours du combattant a été très long. Oui. Parce que ce n'est pas seulement la question du mariage, mais ensuite aussi pour le regroupement familial, qui est la démarche qui vient après. On n'a pas terminé avec le mariage ou la cohabitation légale. Il faut ensuite passer par toutes les démarches de regroupement familial. Je pense que c'est intéressant d'entendre ce que Amal et Youssef ont subi. Et combien de temps ça a duré? Parce que c'est un processus presque 2 ans. Hein. Plus de 2 ans. Oui. Mais qu'est-ce le regroupement familial alors? J'avais pas besoin de faire un regroupement familial puisque monsieur il était ici, enfin Youssef il était ici en Belgique. Et moi je suis de nationalité belge. Et voilà, je veux me marier avec ce type et puis c'est tout. Oui. Je suis une maman de 3 enfants, j'ai eu un mariage qui ne marchait pas du tout, j'ai divorcé, puis je suis restée un certain temps toute seule. Ce n'était pas facile, autant que maman célibataire avec 3 enfants qui étaient en âge d'adolescence, qui commençaient un peu à vouloir se mettre des baskets à 200 euros. Donc, ça devenait difficile, malgré que je travaillais et tout. Mais bon, ça n'a rien à voir. Mais quoique, j'avais envie d'avoir une personne à mes côtés qui peut me soutenir, qui peut m'aider, qui peut me faire beaucoup de choses pour moi. C'est le cas pour l'instant. Hein. L'amour, quoi. Bien sûr. Eh bien, non, on me mettait le bâton dans les roues. J'ai dû aller à la cour d'appel 2 fois, j'ai dû aller au tribunal et je voyais mon mari hein, qui venait avec des menottes. C'est comme s'il avait violé ou tué ou je sais pas quoi. Mais je me demandais c'était quoi son crime à ce monsieur. Hein. Son crime, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas les papiers. Et voyez-vous, maintenant, avec tout ce qui s'est passé... C'est important de dire qu'il avait des papiers, mais qui ne correspondaient pas au pays, au pays dans lequel on est. Parce qu'on a, au début, on a précisé ça, si tu veux, mais tu n'étais pas là. Donc, le fait de le voir avec des menottes, je ne sais pas si tu te souviens, Brigitte, de ça, ou si vous étiez là, t'étais là le jour de du tribunal? Non, moi je n'étais pas là le jour du tribunal. Par contre, ce que j'ai vécu avec vous, c'est de vous accompagner justement quand tu as fait la demande de regroupement familial. Juste, nous avions été invités au mariage, et que c'était très chouette. Et donc, quelques jours plus tard, Amal est allé pour déposer, avec Youssef, pour déposer les documents de regroupement familial. Et là, j'étais très étonnée parce qu'elle a donné donc les documents, elle a rempli, enfin, elle a signé, etc. Qui, elle, pour qu'on comprenne? Donc, Amal. L'employé ne lui a rien donné en retour. Donc moi, j'ai dit, mais vous ne donnez pas... Enfin, elle n'a pas le droit à un récépissé. Et il m'a dit, l'officier d'état civil qui m'a regardé comme ça, très, très froidement et sèchement, et qui m'a dit, mais madame, vous n'avez pas confiance dans le personnel de la commune? Enfin, c'était incroyable, quoi. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est surtout le fait de voir mon mari arriver avec des menottes et deux policiers qui l'escortaient. C'est comme s'il avait violé ou tué quelqu'un. Et ça m'a énormément marqué. D'ailleurs, maintenant, on a fait une association nous-mêmes, hein, pour ça. Et on part chaque année, deux fois par an, au 127 bis. Et on prend des choses, de l'eau, des couvertures, des gâteaux, du lait, tout ce qu'on peut avoir, on l'emmène là-bas. Et ça nous fait énormément plaisir. Oui. Solidarité, quoi. Bien sûr. Très bien. C'est le minimum. C'est le minimum. Mais moi, j'ai une question avec tout ça. C'est plutôt alors... c'est comment ton prénom encore? Nisha. Nisha. Et... mais aussi pour les autres ici, hein, mais c'est peut-être que tu es plus la juriste. Je ne comprends pas comment ça se fait que le mariage c'est privé. Comment ça se fait que l'État s'en mêle? Enfin, je ne comprends pas comment c'est possible. Parce qu'il y a quand même il y a un cadre, il y a des lois. On peut très bien vite rétorquer, mais vous n'avez pas le droit. Ce couple, il fait ce qu'il veut. Tu vois, comment est-ce qu'on arrive comme ça à bafouer la loi? Moi, ça, je ne comprends pas, alors qu'il y a des textes écrits, etc., quoi. Parce qu'ils ils estiment que leur combat, entre guillemets... C'est l'État estime que le combat, la lutte contre le mariage blanc, le mariage gris et tout ce qui s'ensuit, comme tu disais, toutes les couleurs qui vont nous inventer un peu, c'est un combat légitime. Et donc, parce qu'ils estiment que c'est légitime, ils ont le droit de limiter... on va dire ça comme ça, limiter les droits fondamentaux des personnes sans papier. Et donc, on a vu, il y a eu, il y a quelques années, toute une campagne sur les mariages forcés. D'accord? Il y avait eu cette histoire des mariages forcés. C'est-à-dire ces jeunes filles qu'on obligeait à épouser une personne alors qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle ne voulait pas du tout. Et donc, il y a eu toute cette campagne « Mon mariage m'appartient ». Et donc l'État a financé, a mis de l'argent pour pouvoir mener toute une campagne pour avertir, sensibiliser les jeunes filles sur le fait que le mariage est un choix personnel, le mariage est important, et donc je suis seule maître et maîtresse pour décider avec qui je me marie ou pas. Donc d'un côté, le mariage est un choix personnel, c'est une question privée, personne n'a le droit de se mêler de mon mariage. Mais de l'autre... il y a eu cette association où les cœurs brisés, j'ai toujours du mal, qui, eux, de son côté, c'est plutôt, comme Brigitte l'a dit, les victimes de mariages gris ou blanc, et qui ont fait beaucoup de lobbying. Et donc, avec cette question du mariage forcé, le lien a été vite fait avec ces personnes qui se sont fait manipuler pour épouser une personne et avoir les papiers. Le lien a été très vite fait par l'État. Et donc, on est passé de mon mariage forcé, donc mon mariage m'appartient, donc personne n'a le droit de m'obliger à épouser une autre personne, l'État a le droit de regard sur ce qui se passe dans votre vie privée en ce qui concerne le mariage. Et d'ailleurs, on a eu des modifications dans la loi, notamment dans le Code civil par rapport au mariage. On dit, lorsqu'il y a des suspicions que le mariage ou la cohabitation légale a été conclu dans le but d'offrir au partenaire un titre de séjour, l'officier de l'état civil peut sursoir. Ça veut dire va à un moment donné suspendre, parce que quand on veut se marier, on va à la commune, on fait une déclaration de mariage, donc on choisit une date, on va à la commune, on dit je déclare me marier à telle date. Et normalement, pour tout le monde, l'officier de l'état civil va juste acter qu'on va se marier à cette date-là. Mais en ce qui concerne les personnes sans papier, quand ces personnes se présentent à la commune avec leur compagne ou compagnon et qu'elles font la déclaration de mariage, l'officier de l'état civil, on ne sait pas d'où viennent ces soupçons, va directement stopper la procédure et lui dire « Mais je vais d'abord envoyer le dossier au parquet pour qu'on puisse mener une enquête pour savoir si... » Parce qu'il faut protéger la personne vulnérable qui est en face d'elle, peut-être parce que son mariage lui appartient, mais peut-être qu'à ce moment-là, son mariage ne lui appartient plus. Et donc, on va la protéger. Donc, on va criminaliser un peu toujours pour quelque chose, mais personne. Et c'est ça que le réseau Amoureux Vos Papiers ne dit pas qu'il n'y a pas de mariage gris ou il n'y a pas de mariage blanc. On ne dit pas ça. Ce qu'on dénonce, nous, c'est vraiment cette suspicion, cette traque, suspicion généralisée vis-à-vis des personnes qui n'ont pas les papiers ou qui n'ont pas les papiers belges, on va dire ça comme ça, comme Brigitte l'a précisé tout à l'heure. On va, dès que ces personnes font une démarche officielle pour avoir un titre de séjour ici en Belgique ou juste une démarche pour officialiser une relation qui dure depuis des années dans l'ombre, là ils veulent l'officialiser, dès que ces personnes décident d'officialiser, le couperet tombe et tout l'appareil se met en marche. On va commencer à essayer de convaincre même l'autre partenaire, celui qui a les papiers, que l'autre n'est là que pour l'utiliser, pour avoir le papier. Et donc mettre le doute complet sur la véracité des sentiments de l'autre. Donc on est parti de quelque chose de légitime qui est, on va lutter contre les mariages forcés, vers une criminalisation des personnes qui veulent vraiment se marier. Et le pire, c'est que ce ne sont pas ceux qui fraudent la loi qui se font arrêter. Parce que ceux-là, ils passent. C'est les personnes qui sont vraiment sincères, qui veulent vraiment se marier, qui se retrouvent pris dans les filets de l'appareil administratif belge. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque souvent. Ce n'est pas les plus vulnérables qui se font stopper, non. C'est les plus... Les plus criminels, les plus fraudeurs qui se font arrêter, ce sont les plus vulnérables. Les personnes qui sont là, qui sont sincères et qui... ouvertement se disent, mais jamais ça va m'arriver, on est dans une démocratie, dans un état de droit, j'ai le droit de me marier, c'est facile. Elles vont prendre des renseignements à la commune pour pouvoir se marier, chose qu'il ne faut pas faire, nous le précisons. Qu'est-ce qui se passe? La commune lance déjà la procédure en prévenant l'office d'étrangers. Oh, attention, il y a peut-être une personne sans papier qui veut se marier ou faire une cohabitation légale, et avant même de commencer la vraie procédure, on vient, on vous prend et c'est fini. On vous prend? Oui. C'est-à-dire que la police descend chez vous, l'office des étrangers donne instruction. Que la police vienne vous chercher pour vous emmener en centre fermé. Parce qu'à partir du moment où vous déposez officiellement un dossier à la commune vous remet un accusé de réception, d'où la réaction de Brigitte par rapport au fait qu'elle n'avait pas de récépissé par rapport au regroupement familial. Il faut toujours une preuve qu'on a déposé quelque chose à la commune. C'est pas qu'on ne fait pas confiance. Si, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à la commune, en fait. On demande l'accusé de réception. C'est pour protéger la personne, parce que quand on reçoit cet accusé de réception, quand on va faire la déclaration de mariage, ça nous protège jusqu'à la décision finale d'accepter ou pas de se marier. Et donc, quand les personnes n'ont pas encore officiellement déposé, ça permet au niveau de l'Office des étrangers d'avoir déjà quelques pas d'avance sur le couple qui va se marier. Et quand ils vont décider d'aller déposer à la commune, l'ordre de quitter le territoire tombe et les gens ne comprennent pas comment est-ce que ça se fait que l'Office des étrangers a pris une décision aussi vite alors qu'on sait que l'Office des étrangers est à la traîne sur certains dossiers. C'est qu'ils ont été prévenus bien à l'avance par la commune. Il y a un moment où on assistait au fait qu'ils arrivaient, donc quand je dis « ils », excuse-moi, l'État, l'Office des étrangers, arrivait à arrêter les personnes lorsqu'elles sortaient des communes. Donc, par ruse ou par... ils arrivaient à faire en sorte d'arrêter des personnes. C'est de la traque. Hein. C'est vraiment une traque. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où des personnes se marient, il y a des droits qui s'ouvrent, dont le droit fondamental d'avoir une vie privée et une vie familiale. Mais même sans papier, quoi. Oui, même sans papier. Et alors qu'ils ont des papiers, ils ont des le papiers. Le plus souvent, ce sont des couples qui se connaissent et qui vivent ensemble, une relation, voilà. Mais comme tout couple, à un moment donné, on a envie d'officialiser, on a envie de célébrer notre amour devant nos amis. Ben, comment ça se passe en Belgique? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est obligé, et c'est ça aussi, on est obligé, peu importe, on est obligé en Belgique de faire un mariage civil. Le mariage religieux ne vaut rien, le mariage civil. Et donc, pour toutes les personnes qui veulent se marier en Belgique, on est obligé d'aller à la commune. Et ben, on a donné beaucoup trop de pouvoir à l'officier de l'état civil, parce qu'il suffit qu'on tombe sur une personne qui, disons-le clairement, n'aime pas les étrangers et qui, pour lui... Et la plupart n'aiment pas les étrangers. Et que tous les étrangers sont... Et la plupart n'aiment pas les étrangers. Dans les communes? Ben oui, commune, comme office des étrangers, hein, c'est la même chose. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Nisha, justement, parce que la traque est devenue telle qu'on bafoue le droit à l'information. Donc, Nisha mentionnait que même quand les gens viennent demander la liste des documents à fournir pour pouvoir se marier, le processus est enclenché. Et c'est devenu tel qu'aujourd'hui, les communes, on n'a plus le droit d'aller chercher la liste des documents, hein, ou de la demander, ou même d'envoyer un ami, ou etc. Beaucoup de communes aujourd'hui exigent que cette demande soit faite par mail, ce qui veut dire qu'automatiquement, la personne, en général, qui a les papiers, hein, administrativement, officialise à travers son mail, son nom, son adresse, etc. Et c'est là maintenant qu'ils viennent, c'est-à-dire avant que le dossier soit complet et puisse être déposé. Et donc là, on a eu beaucoup de cas de personnes qui se retrouvent détenues en centre fermé uniquement parce qu'elles sont allées se renseigner pour avoir la liste des documents, ou que par naïveté, elles sont allées demander à l'officier de l'état civil, enfin à l'employé, si les documents qu'ils ont rassemblés sont, si le dossier est complet. Et puis, pof, voilà, quelques jours après, arrestation, détention, etc. Donc, c'est vraiment encore un autre droit fondamental, qui est le droit à l'information, qui est bafoué. Sous prétexte, évidemment, bien sûr, que tout doit être fait par mail maintenant, que c'est la manière de... voilà. On va peut-être aller me tourner un peu plus par là, parce que vous êtes aussi, vous êtes un couple, si j'ai compris. Peut-être expliquer comment... Voilà, parce que au moins c'est riche pour bien comprendre, quoi. Moi, j'ai voulu rebondir sur la question que tu as posée tout à l'heure concernant pourquoi est-ce que l'appareil judiciaire se mettent en route tout de suite pour s'acharner contre les personnes avec pas les bons papiers. C'est tout simplement par lâcheté, parce que c'est facile. C'est trop facile de s'attaquer à des proies faciles. Imaginez-vous dans la jungle, le lion ne va pas s'attaquer à un autre lion, ou bien au rhinocéros par exemple. Il va toujours chercher la proie facile. Et c'est ce que l'État fait. C'est facile aujourd'hui de mobiliser son canal de communication qui est la RTBF pour essayer de criminaliser les étrangers que de s'attaquer aux machines fiscales. On sait très bien que la traque, ce sont leurs amis, ce sont leurs cousins avec qui ils se retrouvent dans les grandes soirées qui manipulent le fisc aujourd'hui. Ils le savent très bien. Donc c'est chose facile de s'attaquer. Puisqu'on a un appareil répressif qui est là, il faut le rentabiliser, mais on s'attaque aux plus faibles. Il ne faut même pas tirer une balle quand on s'attaque à des étrangers. Il ne faut même pas déployer toute une armée. Il suffit juste d'avoir quelques zigotos qui sont assis derrière un guichet avec des consignes précises pour represser, pour faire la répression. C'est à tous les niveaux et je trouve ça lâche tout simplement. Donc pour répondre à ta question, c'est de la lâcheté. On se prend aux plus faibles. Mais il faut qu'ils comprennent que cette forme de violence n'est pas éternelle parce qu'ils n'ont pas le monopole de la violence aussi. De l'autre côté aussi, ils peuvent avoir une baffe. Je ne dis pas ça pour dire que je vais aller les faire des cadeaux, des cocktails Molotov, tout ça, mais juste qui comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Ils n'ont pas le monopole de la violence, c'est pas mal. Mais du coup, ce qui serait intéressant, c'est de parler de votre situation, si vous avez envie, évidemment, pour en faire un témoignage. Mais aussi, après, ce serait intéressant de se dire, allez, on est quand même dans une société, dans un système raciste, quoi, qui met en place des procédures racistes, vraiment, quoi. Hein. C'est pas du fantasme, c'est pas « mais non, arrête, c'est dans ta tête ». Non, non, et ce serait peut-être chouette d'analyser ça aussi. Bon, Mamadou et moi sommes en couple depuis une dizaine d'années, 9 ans, je sais plus. Et depuis longtemps. Et donc, à l'époque, Mamadou n'était pas en règle de séjour. On avait envie de vivre ensemble et du coup, nous avons été obligés, disons, de faire une demande de cohabitation légale parce que c'est la seule manière d'être, si tu veux, un peu tranquille. Donc, notre avocat, en tout cas, nous avait dit que ça ne vous vienne même pas à l'esprit de faire une demande de mariage. C'est vraiment, ça veut dire attirer l'attention, vous laisser tomber ça. On commence donc la cohabitation légale et normalement, il faut 12 mois. Pour nous, il a fallu plus d'un an et demi. Et même, je me rappelle le jour où on devait aller à la commune pour chercher enfin la carte d'identité de Mamadou. L'avocate nous avait dit, bon, félicitations. Donc, il faut dire aussi qu'avant d'aller à la commune, avant de faire quoi que ce soit, tu informes par écrit ton avocat. Toujours, toujours, toujours. Au cas où. Voilà, au cas où. Et aussi, l'avocat va te dire, tu vas pas. Donc, Mamadou, quand il n'était pas en règle de séjour, il n'a jamais été à la commune seul. On a toujours été ensemble. Et parce que vous étiez déjà bien informé, bien conscient de tout ça, en fait. Il semble que le fait que nous sommes deux personnes éduquées, engagées et militantes, nous connaissons nos droits. Et donc, c'est moins facile de nous faire avoir, on va dire. Mais bon, donc, le jour où on va chercher sa carte d'identité à lui, on nous donne un ordre de quitter le territoire. Pourquoi ? Parce que moi, je suis fonctionnaire internationale. Donc, à l'époque, j'avais une carte d'identité spéciale. Et chaque fois, chaque mois qu'on allait à la commune, on montre, on te demande tes papiers, et c'est toujours la même carte que j'ai montrée chaque mois, pendant 12 fois. Et ce jour-là, elle m'a dit, « Ah, madame, une carte, carte internationale. Ah, mais ça va pas. Il faut passer à la carte belge. » Après un an, tu m'as dit ça. Et pourquoi tu dois passer à la carte belge ? Pour que lui, il ait la sienne, pour faire le regroupement familial. Okay. C'était une histoire comme ça, okay. Nisha va me corriger si je me trompe. En tout cas, pour passer de la carte internationale à la carte belge, il faut que tous les membres de la famille qui ont une carte internationale la rentrent. Donc à l'époque, j'avais un fils mineur, et je l'ai encore, mais il est majeur, entre-temps. Et donc, il faut passer par le protocole, évidemment, de la Commission européenne qui, à son tour, va donner le NIL, OSTA, toutes choses comme ça. Il faut le demander par l'Office, par le ministère des Affaires étrangères belge, etc., etc. C'est une procédure qui dure plusieurs mois. Et le monsieur, d'ailleurs, qui s'occupait de ça dans mon bureau, il m'a dit que l'État belge traîne, qu'ils avaient une pile de contentieux avec l'État belge haute comme une maison. Bon, bref. Comme une montagne. Oui. Donc, bref, je reviens avec ma carte d'identité normale, je crois. Non, avec tout ce qu'il faut pour demander la carte d'identité belge. Et alors, on m'a dit, voilà, il faut revenir. Et donc, évidemment, il faut y aller avec le petit. Même s'il doit sauter un jour d'école, c'est pas grave, le petit doit être là. Le petit, viens. Et alors, pour avoir la carte d'identité belge, il faut avoir l'acte de propriété de la maison, le contrat de travail, 3 mois de fiche de paix, la sentence de divorce parce que j'étais divorcée, l'acte du juge des mineurs qui dit que l'enfant mineur est, que je suis responsable de l'enfant mineur. Cet acte doit être légalisé. Ah oui? Des certificats de naissance internationale du petit qui est né à Uccle. Je souligne, il a toujours vécu à Uccle. Moi, j'ai eu 2 certificats de naissance, un arabe, un turc, un chinois. Ils m'ont fait ça. Et les photos, et ta. Je reviens le lendemain avec tout ça. Donc, j'ai passé un après-midi. Il y a une autre employée. Elle dit, madame, pourquoi vous m'apportez tout ça? Je dis, c'est votre collègue qui me l'a demandé. Elle dit, madame, vous êtes européenne. Il faut une photo et 20 euros. Donc, excellent, ça, baiser. Là, désolé, mais ce n'est pas la désinformation, c'est la mauvaise foi. Parce que toi, tu fais les cartes d'identité. C'est ton travail, tu fais que ça. Et donc, moi, je me dis, moi, quand même, je suis une femme éduquée, je parle bien français, je connais mes droits. je suis ordonnée et organisée, donc tout ce qu'elle me demandait, je l'ai trouvé et le lendemain, je l'ai amené. La dame qui n'a pas été à l'école, qui est timide, qui ne connaît pas ses droits, elle entre à la maison. Elle ne parle pas bien français. Voilà. Elle rentre à la maison, elle se met à pleurer et elle revient plus jamais. Donc après, j'ai écrit, j'ai protesté avec le bourgmestre qui m'a envoyé une réponse qui n'avait rien à voir. Et voilà. Et l'employée en question, elle est toujours là. Maintenant, récemment, nous nous sommes mariés, donc après la cohabitation légale, cet été, nous nous sommes mariés. Et nous avons parlé de cette histoire avec l'échevine qui a célébré le mariage, qui était absolument étonnée. Donc elle a pris des noms, elle a pris des notes. Et ce que tu viens de raconter, tu lui as raconté. Mais c'est marrant, c'est toujours la même échevine depuis 10 ans. Non, non, justement, elle était nouvelle et c'était son premier mariage qu'elle célébrait. Et d'ailleurs, elle était super gentille avec nous, elle était étonnée, elle a dit que voilà, qu'elle allait donner suite. Maintenant, donc après, je l'ai recontactée. On lui avait parlé du collectif, et donc je lui ai envoyé après une photo du mariage et des infos sur le collectif, vu qu'elle voulait en savoir plus. Mais elle ne nous a pas recontactée. Donc si l'échevine de Uccle, qui a célébré notre mariage, se reconnaît, elle peut nous recontacter avec plaisir. Parce qu'elle m'avait l'air intéressée et choquée par tout ce qui s'était passé. Ouais, des fois, oui, c'est... Ouais. Mais des fois, c'est juste une façade, quoi. Il faut voir si elle a vraiment été, tu vois, bon, on ne sait pas, on ne sait jamais dire. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant de nommer les choses aussi, parce que, quoi, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que tu viens de raconter et tout ce qu'on discute, là ? Mettons-le sur la table aussi, parce que sinon, on fait comme si on tournait autour... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Un mariage où il y a une personne qui n'a pas les papiers devient un mariage pour tout le monde et t'as pas ton mot à dire, c'est le mot aux autres. Donc c'est pas à moi de décider si je veux me marier avec ce monsieur ou me marier avec cette dame parce que je l'aime, tout simplement. Eh ben non, c'est les autres qui doivent dire oui, ils peuvent se marier ou pas, qui doivent donner l'autorisation. C'est l'État alors, les autres c'est l'État. Et moi je trouve ça, c'est pas correct. Je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui profitent de la situation d'une autre personne pour pouvoir avoir les papiers. Est-ce que je peux dire quelque chose parce que sinon, écoutez... Si le moyen de vivre correctement, même normalement, même basiquement, il faut des papiers, moi je serais prête à trouver des combines pour qu'on me fiche la paix et que j'ai ces papiers. C'est pas forcément... Vous voyez, c'est le système qui fait que bah, des gens vont essayer de trouver des subterfuges pour avoir les papiers. Tout le monde devrait avoir des papiers. Enfin, vous voyez, c'est pourquoi il y en a qui l'ont, pourquoi... Tu vois le jeu dans lequel nous sommes aussi. C'est ça aussi. Mais que moi, je parle en tout cas du mariage, quand on veut se marier. Mariage d'amour, quoi. Un mariage, ben, bien sûr, un mariage, c'est l'amour, c'est l'envie d'être ensemble. Donc, on ne doit pas mettre les bâtons dans les roues. On ne doit pas aller fouiner dans leur vie personnelle et dire « qu'est-ce que tu as fait hier soir avec ton mari ?» pour pouvoir vous croire si vous êtes vraiment des vrais ou des faux. Mais ça, on a bien compris, mais la question, dans ton cas, c'était pourquoi. À ton avis, c'est un peu une question naïve, mais j'aime bien c'est des fois des questions naïves. Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi on vous a ennuyé comme ça ? C'est pas le mot que j'utiliserais, Brigitte. Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu as dit comme mot, Brigitte ? Elle a dit du racisme, mais pour moi personnellement, j'ai vécu ça, hein, donc je sais un petit peu de. Enfin, je sais de quoi je parle, mais c'est juste l'envie de te casser. Mais oui, mais pourquoi ? Pourquoi Hamza ? Oui, mais Hamza, il n'existait pas encore. Ah, mais je me trompe, c'est le petit, Hamza. Maintenant, ton mari, quoi. C'est Youssef, c'est mon mari. Pourquoi ? Oui. T'as quand même une question, tu dis, mais pourquoi on nous emmerde comme ça ? Je sais pas. Mais en tout cas, il y avait certaines personnes qui travaillaient à la commune, et une personne plus précisément, dont je ne me souviens malheureusement pas le nom, hein, qui était il avait aucune envie de nous voir et de voir surtout ma tête là-bas. Il me l'a dit. À la commune. Pourquoi ? Il me l'a dit. Comme Nisha l'avait dit, il m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu te casses la tête ? Tu te casses la tête à vouloir te marier. À vouloir me marier et ramener tous ces documents, aller chercher ci, aller chercher ça. Et à la fin, c'est pas ça, comme Madame Lavielle vient de le dire. Donc, on nous demande tellement de papiers, tellement de paperasse et tout. Et quand tu vas rassembler un mois après, tu vas rassembler tout ce qu'ils t'ont demandé. Ah ben non, t'avais besoin que de ci et de ça. Et un... Mais pourquoi ça? Pourquoi? Un de ces messieurs, il me l'avait dit carrément, allez, clairement. Mais pourquoi tu te casses autant la tête? Et tu lui as répondu quoi? C'est pas tes affaires. Ah ben c'est bien. C'est pas tes affaires, ben oui, voilà. Voilà.